un gangueur d'entrée. C'est Jerry et son groupe. À la table, ils vont s'installer. Yeah, yeah. Pour avoir une couple. À la tourisme, non, non, c'est toujours gay. Personne n'est triste, non, non, tout le monde est gay. À la télévision, une partie de hockey. Montréal contre Toronto. Toronto a gagné. Allez.